Un diplomate américain au Liban en 1972 après un incident tragique chez lui. 10 ans plus tard, il est rappelé à Beyrouth par des agents de la CIA pour négocier la vie d'un ami qu'il a derrière lui. Obtenez le film complet par Papy Streaming gratuitement à votre domicile sans faire d'enregistrement. Pas de publicité, pas de conneries, profitez sans souffrir.